dira peut-être à quoi bon. On dira peut-être à quoi bon. Avec des mots du bout des lèvres. Avec des mots du bout des lèvres. Elle a fini de tourner rond. Elle a fini de tourner rond. La boule. Le rêve s'achève. La boule où le rêve s'achève. Par-delà toutes des raisons. Par-delà toutes des raisons. Elle a mal à l'homme, la terre. Elle a mal à l'homme, la terre. On voit bien que son compte est bon. On voit bien. Sans compter bon. Mais plus question de se laisser faire. Mais plus question de se laisser faire. Ne perdons pas la boule. Ne perdons pas la boule. Ne perdons pas la boule. Dans la nuit. Le temps s'écourte dans la nuit. gaspiller la dernière chance. Gaspiller la dernière chance. C'est plonger dans l'immense oubli. Plonger dans l'immense oubli. Ne perdons pas la boule. Ne perdons pas la boule. Ne perdons pas la boule. Ne perdons pas la boule.